Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une chaîne de télévision, à Canal+. Canal+, reprise par Vincent Bolloré, l'industriel, avec un programme assez explicite lorsqu'il était au micro de France Inter. C'est quoi l'esprit Canal? C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative, parfois un peu trop de dérision. Je préfère quand ils sont plus dans la découverte que dans la dérision, parce que parfois c'est un peu blessant ou désagréable. Mais ils vous font pas toujours rire? Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. Mais je trouve que, à côté de ce petit travers, c'est une chaîne qui a créé énormément de choses. On voyait dans la presse hier ou ce matin que Engrenage, Les Revenants, toutes les séries qu'ils ont fait maintenant sont en train de réussir. À l'étranger. Ils ont repris des studios avec des jeunes créateurs sur le net. C'est un groupe qui avance bien et je pense que si en plus on lui rajoute la musique, Katy Perry et toutes les grandes vedettes dont dispose Universal, je pense qu'on peut faire de ce mastodonte français qu'est Vivendi un champion des contenus, des médias et de la distribution. Donc des promesses quelque peu menaçantes sur l'esprit Canal et c'est la raison pour laquelle Bolloré a été accueilli comme il se doit par PPD. Voilà, je suis maintenant avec Vincent Bolloré, nouveau patron du groupe Vivendi et donc de Canal+. Monsieur Bolloré, bonsoir et félicitations. Pourquoi ? Et pour tout, pour votre parcours, vos succès, votre garde-robe. Enfin, moi, on m'a toujours appris à féliciter un nouveau patron quand il arrive. Hein. C'est l'école TF1. C'est une bonne école. Et vous, ça a été une bonne école, Jean-Pierre Canet, Canal+, puisque vous étiez à Canal+. Bah oui, c'était une bonne école. Je suis pas tout seul. On est plusieurs générations à avoir vécu ce qu'on appelait parfois de manière un peu abusive l'esprit Canal. C'est vrai. Moi, j'ai débarqué à Canal, jeune journaliste, à la fin des années 90, début des années 2000 surtout. Et puis, bah, j'ai connu un peu cette période foisonnante qui était la deuxième époque de Canal, où suite au nul, suite à l'installation de ce mauvais esprit au bon sens du terme, où la création, où l'humour, où la liberté d'expression était quotidien, enfin c'était vraiment la nature même de cette chaîne. Là, nous, on a vécu cette deuxième époque où l'investigation, notamment le journalisme, a pris tout son envol avec une émission qui était la première grosse émission d'enquête du PAF, du paysage audiovisuel français, qui était 90 minutes, créée par Paul Morera. Et puis, pas accessoirement du tout d'ailleurs, un magazine auquel j'ai participé, qui était le Vrai Journal de Carl Zéro, qui était aussi un magazine d'enquête très important. Mais alors, vous dites que Canal+ a subi une déconfiture, notamment parce que vous en êtes parti, vous n'êtes pas le seul à en être parti. Si on essaye de mettre de côté votre cas, Jean-Pierre Canet, dont on va reparler, parce que vous n'êtes pas parti. Moi, je ne dis pas que Canal+ ne va pas bien à cause de moi. Hein. Non, vous n'êtes pas parti pour n'importe quelle raison. Vous êtes parti dans des circonstances qu'on va rappeler dans quelques instants, mais pour le reste, qu'est-ce qui vous paraît être aujourd'hui un échec dans Canal ou dans l'évolution de la chaîne? Alors, c'est vrai que nous, on vient de faire une enquête sur Vincent Bolloré, qu'on a appelé Vincent Tout-Puissant, pour montrer comment un patron du CAC 40, qui, comme tout un tas d'autres, voulant investir dans les médias, a bâti un empire, a complété son empire, utilisant cet aspect médiatique pour ses intérêts, pour les intérêts de son groupe. Vincent Bolloré, quand il prend le pouvoir à Canal+, il fait un constat qui est tout à fait fondé. Il dit, attention, en gros, c'est une chaîne qui marche encore bien, mais qui est plus adaptée à l'explosion d'Internet, au fait que les cartes soient entièrement rebattues avec Internet. L'abonnement est trop cher, on est entre 30-40 euros, ça dépend. Et puis peut-être qu'on peut aussi le suivre quand il dit qu'il faut renouveler les programmes. C'est un peu ce qu'il dit en creux dans son intervention sur France Inter en février 2015. Mais ce qu'il ne fallait pas tuer, c'était l'esprit de création, c'était cet esprit frondeur, cet esprit de liberté d'expression. Et c'est ça que Vincent Bolloré, à mon sens, à notre sens, a tué à Canal+. Comment il a tué, selon vous, Jean-Pierre? Écoutez, nous, on n'a pas fait un travail de psychologie, voire de psychanalyse. Il aurait peut-être fallu. Déjà, il a viré Jean-Pierre Canet, je le disais tout à l'heure. Alors, c'est pas la cause unique de la déconfiture de Canal+. Je veux pas être insultant à votre égard. Cela témoigne d'un certain nombre de travers chez cet homme, ou en tout cas la reprise en main qu'il a effectuée de cette chaîne. Rappelez-nous les circonstances dans lesquelles vous êtes parti de Canal. Alors, moi, je suis parti de Canal en 2007, véritablement. Je suis allé travailler à l'agence Kappa, enfin, entre 2004 et 2009, à l'agence Kappa, toujours pour Canal+. Et puis, c'est vrai qu'en fait, il y a un moment... Alors, moi, personnellement, ma petite histoire n'intéresse pas grand monde. Mais en revanche, ce qui s'est passé entre 2005 et 2007, ça a été la reprise en main par Vivendi, donc, de Canal+. Et là, il y a eu un premier mouvement d'externalisation des rédactions, hein, sur l'aspect journalistique de Canal, qui faisait de l'enquête. Notamment, la rédaction de 90 minutes a été externalisée. Et du coup, même si Canal est resté très libre, hein, sous le grand patronage de Rodolphe Belmer, qui était le grand patron de Canal à l'époque, il y a eu quand même déjà un premier contrôle qui a été de dire on commande à l'extérieur les enquêtes, comme ça on peut quand même dire ce qui passera, ce qui passera pas. Il y avait toujours une très grande liberté. Mais quand Vincent Bolloré prend le pouvoir, ça se passe entre 2012 et 2015, il prend véritablement le pouvoir en 2015, moi là, après être passé quelques temps et avoir cofondé avec Laurent Richard, Élise Lucet et puis toute la bande de première ligne Cache Investigation, je suis appelé par KM, la boîte de prod qui produit le Grand Journal, mais qui fait aussi de l'enquête, pour essayer de renouveler, alors moi et d'autres, hein, attention encore une fois, restons modestes, renouveler un petit peu l'écriture et les enquêtes de spécial investigation, parce que c'est une émission qui s'essoufflait un peu. On se dit formidable, c'est fantastique. Vincent Bolloré, qui était en train de monter en puissance dans Canal, visiblement était d'accord avec ça. Moi, je me souviens d'une discussion, on en parle dans notre livre, avec Maxime Saada, qui était le numéro 3 de Canal à l'époque, qui était très soucieux de faire entrer de l'investigation dure et vraiment sans concession, dure au sens fouillé. Donc, il y avait une vraie volonté de revenir même aux racines de l'esprit Canal. On s'est dit, à cette époque-là, c'était en fin 2014 et courant 2015, on s'est dit, mais c'est formidable. On va peut-être pouvoir essayer de faire à nouveau de l'investigation très dure. Vous en aviez parlé avec Bolloré, Jean-Pierre Canet ? Absolument pas, non, mais après Vincent Bolloré, à l'époque, il était encore discret en 2014. Hein. C'est à partir de février, là, d'ailleurs, là, au moment de cette interview, qu'il monte en puissance dans le Capital, véritablement, qui va notamment prendre le contrôle. Qui va devenir le vrai patron. Oui, qui va devenir le vrai patron. Votre problème, Jean-Pierre Canet, il est arrivé avec une enquête que vous aviez consacrée au Crédit Mutuel. Peut-être expliquer en quelques mots pourquoi cette enquête dérangeait Vincent Bolloré, si bien d'ailleurs qu'elle n'est jamais passée sur Canal. Oui, d'ailleurs, on a péché par naïveté, nous, parce que quand on lance cette enquête avec Maxime Saada, on est en avril, et on est conscient... Alors, il y a Geoffrey Divolzi, qui est un pigiste, qui a travaillé avec nous sur cette enquête, avec Nicolas Vescovacci et moi-même, qui avait déjà pondu quelques papiers pour Mediapart sur une affaire de blanchiment d'argent liée à la banque Page, qui était la banque privée du Crédit Mutuel, plus des soupçons d'évasion fiscale. C'est un gros dossier. On est dans cette période où on révèle beaucoup des faits d'évasion fiscale, présumés, bien entendu. Et on propose ça à Canal, qui tout de suite, Maxime Saada, assez vite a décidé qu'on le faisait. Il fallait le faire vite en plus parce que les informations étaient périssables. On s'engage dans cette affaire, on est dans une émulation de création qui est vraiment importante, on enquête tous azimuts. Et puis, à partir du 12 mai, on commence à avoir des échos comme quoi cette enquête qui devait être diffusée le 18, donc c'est-à-dire vraiment quelques jours après, ne sera pas diffusé, je vous passe tous les épisodes, mais en gros, ce qu'on savait pas, c'est que le Crédit Mutuel, qui a quelque part dans le capital de Canal+, était en train d'organiser la prise de contrôle de ce qu'on appelle la SECP. C'est un peu technique, mais la SECP, c'est la clé de diffusion de Canal+. C'est eux qui sont propriétaires des abonnés et des droits de diffusion. Et le Crédit Mutuel était en train d'organiser ça avec Vincent Bolloré. Donc, c'était le pire moment. Et donc, cette enquête a été censurée. Nous nous sommes battus. Nous l'avons diffusée finalement sur France 3. Là, vous racontez donc un cas où Vincent Bolloré ne va pas contre ses intérêts, en l'occurrence le Crédit Mutuel. Pour le reste, il s'est passé quelque chose d'étonnant sur Canal+, puisque vous y avez travaillé, j'y ai travaillé aussi, et on se souvient donc de plages en clair, des plages en clair qui ont été considérablement réduites. J'ai travaillé sur la matinale, il n'y a plus de matinale, mais c'est pas Bolloré d'ailleurs qui l'a supprimé, c'était la direction antérieure, il n'y a plus de programme à midi, il y a un programme encore le soir, animé par Yves Calvi, mais pour le reste, c'est qui n'a pas beaucoup de quasiment succès. L'une des dernières choses qui perdure avec quelques programmes comme ça, éparpillés sur le week-end. Comment explique-t-on cette évolution? Je vais utiliser un terme neutre. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Vincent Bolloré est un excellent financier industriel également, mais c'est pas un bon directeur des programmes, en fait. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que quand vous récupérez un média aussi puissant que Canal+, qui a la culture et l'assise dans la société française telle qu'on le connaît, Canal+, ça fait partie de la famille. Quand vous ne récupérez pas cette culture-là, que vous essayez de la moderniser, parce qu'il fallait moderniser Canal+, c'est évident. Il fallait, Canal+ était en train de s'essouffler gentiment, il fallait évidemment renouveler. Là-dessus, Vincent Bolloré avait raison. Mais il faut penser un plan. Et il faut partir de cette culture, il faut la transcender, il faut l'adapter à l'Internet. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, malheureusement, c'est en ça qu'il y a une dimension sans doute, je dirais, de l'ordre de la psychologie, en tout cas de la psychanalyse peut-être même, c'est que l'esprit Canal, fondamentalement, ne plaît pas à Vincent Bolloré. Ça, c'est mon opinion. Et on a l'impression que n'a pas été pensé un programme, n'a pas été pensé une vision pour cette chaîne. Alors peut-être qu'on se trompe. Il n'était pas le seul à qui ça plaisait pas. On disait c'était la chaîne des bobos. Vrai, et peut-être oui, qu'on peut considérer que les bobos ils sont plus à la mode, faut changer d'esprit. Oui, mais il y avait des choses à changer à Canal, c'est évident. Il fallait renouveler beaucoup de choses. Le grand journal s'épuisait petit à petit, bien entendu. D'ailleurs, on était censé faire de l'investigation à la rentrée 2015. Au grand journal. Au grand journal, pardon. Sauf que quand vous voulez balayer le passé, ce qui est tout à fait normal, c'est la vie qui évolue, il faut un plan en fait. Et là, vous pouvez difficilement renouveler une antenne avec des vieux de la vieille de la télévision, c'est sans insulte, sans être méprisant. Il faut vraiment faire valoir les jeunes créateurs. Il faut aussi que la liberté d'expression perdure. Or, c'est ça le problème, c'est que les gens ont senti, de manière plus ou moins claire, qu'il y avait une reprise en main dans la liberté d'expression. Attendez, parce que Vincent Bolloré, c'est plutôt un bon en termes de business. Non, en termes de business, c'est un excellent patron, c'est vous clair. Vous pensez vraiment qu'il est allé à l'encontre de ses intérêts avec Canal+ ? Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec Canal+, Vincent Bolloré. Clairement, il a voulu prendre ce groupe de télévision pour exister, pour avoir un pouvoir médiatique. Ça a toujours été son rêve, comme beaucoup d'autres. Vous en êtes sûr ? Oui, je crois, oui. Je crois que quand il investit dans Direct 8, dans Direct Star, oui, je crois qu'il a une volonté de créer un groupe médiatique. Après, je crois qu'il a négligé une chose, Vincent Bolloré. C'est pour ça que c'est dommage qu'il n'ait pas voulu cet entretien avec nous, parce qu'on aurait pu en parler très franchement et très librement à l'occasion de cette enquête. Il n'a pas compris qu'en fait, il y a une dimension qui est très importante quand on veut posséder un média, c'est de ne pas donner l'impression, dans une démocratie adulte comme celle de la France, qu'on accapare le média. Si on essaye de parler des résultats bruts, Canal+, c'est déjà un nombre d'abonnés. Est-ce que ce nombre d'abonnés a évolué depuis que Vincent Bolloré a pris le contrôle de la chaîne ? Oui, il a beaucoup baissé. Mais il est vrai qu'en décembre dernier, il y a un petit frémissement positif pour une raison très simple, c'est que le prix des abonnements a été baissé. Il a été mis au niveau de Netflix, en fait. Voilà, c'est simple. Vous ne pouvez plus vendre une chaîne de télé, y compris avec pléthore de propositions, quand vous êtes à 30 ou 40 euros, même à 20 euros. Netflix est à 10. Est-ce que les revenus de la chaîne ont baissé, Jean-Pierre Cadet ? Alors ça, c'est la grande question. On y revient beaucoup dans le livre. Nous pensons que les revenus de Canal+, qui ont été, à un moment donné, en fait, ça c'est la thèse que nous posons, et encore une fois, nous ne sommes pas dans la tête des dirigeants de Vivendi, mais nous pensons qu'à un moment donné, affaiblir l'image de Canal+, a été bénéfique pour que Vincent Bolloré augmente sa part de capital, son contrôle au sein du groupe de Vivendi et de Canal. Ça, nous pensons qu'objectivement, quand on examine les faits, on voit que les intérêts de la montée en puissance au capital ont correspondu avec une baisse presque volontaire de l'image de Canal. Du coup, on a exagéré les pertes financières de Canal+. Canal+ est une chaîne qui gagne de l'argent en France, même si elle en perd régulièrement, elle en gagne quand même, elle est encore très positive. Et nous y revenons dans le bouquin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, c'est long, il faut le lire. On explique comment les mauvais chiffres de Canal+ ont été exagérés à un moment donné dans la communication du groupe. Il a creusé oui. les pertes sur le plan comptable. Je vais vous poser une question, Jean-Pierre Canet, parce que vous aimez Canal+, ou vous l'aimiez en tout cas hein, personnellement. Mais le bureau des légendes, je regarde encore, Baron Noir, c'est très bien. Non, c'était pas ça que je voulais vous entendre dire. Non, juste... Ce monsieur, aujourd'hui, il est propriétaire d'une chaîne qui gagne encore de l'argent. Donc, elle est encore profitable. On le soupçonne, ce qui n'est d'ailleurs pas un crime dans le cas d'un financier, de vouloir surtout faire la culbute quand il revendra oui. la chaîne. Est-ce que c'est pas tout simplement ça, peut-être. Sa stratégie ? On dit que Vincent Bolloré se définit lui-même d'ailleurs comme un activiste. C'est ce genre d'investisseurs qui effectivement font un coup, montent au capital, vraiment orientent immédiatement l'entreprise pour défendre ses intérêts et puis ensuite revend. Moi je ne suis pas dans sa tête encore une fois, peut-être envisage-t-il ça. Ce que je constate. Est-ce qu'il y aurait des acheteurs éventuels ? Alors, Ça, on n'en sait rien. Vraiment, l'année qui vient va le décider, va nous dire ce que Vincent Bolloré veut faire de ce groupe. Il y a un truc qui est très important dont on n'a pas parlé, c'est Canal International, c'est Canal Plus en Afrique, qui pour le coup gagne de l'argent. C'est un groupe qui est en pleine montée en puissance. Et vous savez que Vincent Bolloré a des activités en Afrique multiples, notamment auprès avec les ports africains. Il a beaucoup d'activités dans les ports africains, gestion des ports, ainsi que des plantations d'huile de palme. Il est en tout cas actionnaire d'un certain nombre de sociétés. L'Afrique est vraiment le terrain sur lequel Vincent Bolloré s'appuie, mais surtout utilise Canal+, pour monter en puissance. Canal+, c'est vraiment, est en plein succès en Afrique. Merci Jean-Pierre Canet. Vincent Tout-Puissant, c'est le livre que vous avez écrit avec Nicolas Vescovacci et c'est chez Jean-Claude Lattès. Superfell a été foiré aujourd'hui par Anaïs Isebaer, à la technique, piétinée par Élise Leu et gâchée par Jean-Christophe Francis à la réalisation. Superfell.